The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Hate. Détester. To sign up. Inscrire. To develop. Développer. Notebooks. Le cahier. Pencil case. La trousse. Now, a bit faster. Hate. Détester. Pencil case. La trousse. To sign up. Inscrire. Notebooks. Le cahier. To develop. Développer. Now, use the words in context. La trousse. In my pencil case, I have a pen, two pencils, a rubber, whiteout, scissors, and a small ruler. Dans ma trousse, j'ai un stylo, deux crayons, une gomme, un blanco, une paire de ciseaux et une petite règle. La trousse. Can you lend me your pencil case? I'm going to write a note for you on it. Tu me prêtes ta trousse? Je vais marquer un mot dessus. La trousse. I forgot my pencil case at home. With my lucky pencil in it, I'm definitely going to fail my exam. J'ai oublié ma trousse à la maison avec mon stylo porte-bonheur dedans. Je vais rater mon examen, c'est sûr. Inscrire. I put you on the guest list for the next party so you won't have to pay the cover charge. Je t'ai inscrite sur la guest list de la prochaine soirée. Comme ça, tu n'auras pas à payer l'entrée. Inscrire. He joined the gym downstairs from his house because he hopes to meet his neighbor there. Il s'est inscrit au club de sport en bas de chez lui dans l'espoir d'y rencontrer sa voisine. Inscrire. Did you register for the next elections? Tu t'es inscrit sur la liste électorale pour les prochaines élections? Développer. I am taking private lessons in order to develop my singing talent. Je prends des cours particuliers pour développer mes dons de chanteur. Développer. By often playing chess, you can develop strategic intelligence, which is very useful in times of war. En jouant souvent aux échecs, on développe une intelligence stratégique très utile en temps de guerre. Développer. He has developed his investigative skills by reading all of Agatha Christie's novels. il a développé ses talents de détective en lisant tous les romans d'Agatha Christie. Détester. I hate this math teacher. He explains things poorly and he has bad breath. Je déteste ce prof de maths. Il explique mal et en plus, il a mauvaise haleine. Détester. They've hated each other for a long time, but I don't know why. It's probably a girl thing. Elle se déteste depuis longtemps, mais je ne sais pas pourquoi. Ce sont sûrement des histoires de filles. Détester. I hate people who don't respect other people's religion. Je déteste les gens qui ne respectent pas la religion des autres. Le cahier. I think the notebooks are in the school supplies section. Je pense que les cahiers se trouvent dans le rayon des fournitures scolaires. Le cahier. What a creep. He writes everything the teacher says in his notebook. Everything. Quel faillot. Il note tout ce que le prof dit dans son cahier. Tout. Le cahier. I lost my French notebook. It's bothering me. I have a test tomorrow. J'ai perdu mon cahier de français. Ça m'embête. J'ai un contrôle demain.